d'excentricité. 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'était fou en 2014. Bienvenue à C'était fou en 2014 de première partie. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Dans cette émission spéciale de fin d'année, on va bien sûr faire le tour au complet des pièces les plus appréciées par les animateurs en l'année 2014, en cette année du Seigneur 2014. On a un top 25 franco, un top 25 anglo. On a aussi un top 20 loud qu'on va explorer un minimum et un top de musique du monde aussi pour la première fois à vie. Top 10 musique du monde. Incroyable. Ça s'en vient dans l'émission d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine aussi, on fait deux émissions spéciales. Une première partie qui est plus la partie du bas, là, le bottom. Et oui. Ensuite, la partie du haut, le top. Voilà. C'est super. Hein? Puis on verra ce qu'on a le temps d'écouter. Ben, c'est ça, on va faire le maximum qu'on peut. On va faire notre gros possible, comme toujours. Il y a des groupes qui se présentent plusieurs fois dans les palmarès. Donc, on va en sauter une coupe pour réussir à entrer dans nos temps. On a 3 heures pour cette partie du bas des palmarès. Donc, les positions numéro 25 à où ce qu'on sera rendu, on verra bien. Oui. Hein? Donc, puis les groupes, ils ont tendance à se présenter eux-mêmes. Hein? Parce que c'est ça que tu as dit. Fait qu'on ne les verra pas partout. On va les laisser dire, genre, ici, Dani Blacard, vous écoutez, c'est fou. Oui, c'est fou. Oui. Puis vous avez tendance à vous présenter plusieurs fois. Ah, toc, toc. Puis c'est encore un autre. Oui, c'est encore lui. Ils vont-tu le lâcher? C'est une blague. Ouais, c'est ouais. Ça. J'ai... Il y avait peut-être un petit délai de trop. Non, non, c'est une bonne blague, JP. Merci. Je finis l'année en force. Ouais, ouais. Puis je te donnerai bien le titre de l'épisode, mais l'épisode va porter le titre de C'était fou en 2014, je te dis. Donc, on va commencer notre palmarès top 25 des deux côtés avec les 25e places. JP, tu vas voir, c'est difficile à suivre quand c'est un top de l'année parce que, Caroline, on est sur 4 pages en même temps. Ah, ben c'est correct. J'ai mes nouveaux yeux là, qui me permettent d'avoir deux feuilles en même temps. Okay, comme les écrans. Une joke de geek. Hey, c'est hot, ça, c'est hot. Es-tu en HDMI? Là-dessus, toi. Ben oui, tout. Aïe, aïe, Bluetooth. Ben oui. Donc, 25e position du côté anglophone. Plus tard, on va entendre Return for Refund avec The Fields qui est allé jusqu'à la position numéro 8 pendant 2 semaines de suite, les 29 septembre au 5 octobre et 3 au 9 novembre. Ce sera l'album Return for Refund. Mais avant ça, en francophone, JP à 25e place. Oui, ça va être Mimi Van Der Glo avec Plus je crie, hein, 25e position qui est allé au plus haut, 8e place pendant 2 semaines. Ouh. C'était la semaine du 6 et du 12 janvier. Ouh! Donc, on écoute ça à l'instant. Et puis, c'était fois en 2014, je pense. C'était pas mal fou, hein, finalement, quand on y pense. C'était correct fou. C'était foufou. Foufou. Foufou. Foufou. Puis quand tu le mets au féminin, ça fait foufou. Ah! Foufou. Moi, j'écoute la nuit qui râle. J'entends le dégoût dans vos silences. Le corps est rincé. Qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours et à jamais, jusqu'à ne plus sentir ta peau. Du bout des doigts jusqu'au tréfonds de mes os. La vie adulte est une thermopompe qui me donne froid dans le dos. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Plus je crie, plus je disparais. Toujours. Transparent, nu comme de la ville. Fuck you. brain makes drugs to keep me slow. A hilarious joke for some dead pharaoh, but now not even the masons know what drug will keep that from coming. Smashes all my best laid plans to send. And there's always someone to say it's easy for me, but I revenged myself all over myself. There's nothing you can say to me. You never held me. C'est Night Still Comes, en position numéro 24 anglophone de l'année. C'est sur l'album The Worst Things Get The Harder I Fight, qui a été numéro 7 la semaine du 6 janvier. Et on a entendu en francophone 24e position de l'année 2014, Caravane avec Chien Noir. C'est resté 8 semaines sur le palmarès et ça a été en position numéro 2 du 22 au 28 septembre. C'est l'album Chien Noir. On a aussi entendu les 25e places, Mimi Vanaglo et Return for Refund. On va continuer avec un autre bloc, mais par contre, on va faire un bloc 3 quarts, c'est-à-dire qu'on va sauter une pièce dans le milieu. Étant donné, ploum, ploup, qu'il y a des groupes qui sont là plusieurs fois. Qui se répètent. Qui se répètent. Oui. Qui se répètent. Oui. Qui se répètent. Qui se répètent. Qui se répètent. Donc, on va sauter par-dessus nos amis de Propofol, qu'on retrouvera plus tard en 18e place, mais en position numéro 23, c'est la pièce La Rivière. Plus tard dans le bloc, il y aura Guillaume Marceneau ainsi que Mode Moderne. On va commencer en 23e place du côté anglophone, Jean-Philippe. Tout à fait, Mathieu. On va y aller avec Radical Face. Holy Branches, c'est resté 8 semaines sur le palmarès, c'est monté à 5e place pendant 2 semaines, le 6 janvier et la semaine du 13 janvier. Holy Branches, c'est comme des branches sacrées, hein, tu sais, fait que si Holy je te sers un coup de branche, ça va sacrer, c'est ça. Oui, exactement. C'est ce qu'on dit. C'est radical d'en face. Hey, hein? Radical face. Ouais. Mm-hmm. C'était fou en 2014. 2014. Je la reconnais pas la pièce à date. Je me souviens, ah oui, elle est bonne. Life on tiptoes. Only felt peace if by yourself, where mistakes don't count. There's a hole in your chest from the time that you were born, one that don't get filled. Cause you've always known you're nothing they want. But everybody's bones are just holes. Thank you. vivre ne suffit pas. Je pars au combat contre la nausée. La vie est un combat et j'en ai la coiffe emplumée. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. Je pars au combat contre la nausée. La vie est un combat et j'en ai les yeux cernés. Je pars au combat, je pars au combat, je pars au combat. La vie est un combat. Mode moderne et She Untamed, position numéro 22 de l'année 2014 sur l'album Occult Delight. Ça a été numéro 3, ça s'est rendu seulement jusque-là pour la semaine du 10 au 16 mars. Et Franco, la 22e position, c'était Guillaume Marceneau avec Je pars au combat. C'est resté 8 semaines sur le palmarès, c'est monté jusqu'à la première place, Mathieu, du 13 au 19, et c'était dans l'album Oasis Station Service. C'est magnifique! Bravo! On est rendu au 21e place. J'ai hâte d'entrer dans le top 20, là, commencer à vraiment parler. Mm-hmm. C'est le bas de la bassesse. Ça compte à peine, ces histoires-là, ce qu'on fait en ce moment. Là. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on va entendre du côté des 21e places en anglophone, Statue Park. Avec une des pièces que j'ai adorées, moi, cette année, c'était une pièce de jeu vidéo style. C'est 1983 sur l'album The Cities We Planned, The Cities We Made. Ça s'est rendu jusqu'au numéro 2 la semaine du 3 mars. Et du côté francophone, c'est Fanny Bloom avec Sammy Sammy. C'est resté 8 semaines avec nous dans le palmarès. C'est monté jusqu'à la première place du 6 au 12 octobre. Pardon, c'est dans l'album Pan. Et Pan! Pan, ben ouais, pan-moi ça. Là. Pan, pan. Et c'est parti. Pendant ce temps. Vous êtes assez fous en 2014. Ah, pour 89 fêtes. C'est drôle dans le studio. On se fait des mimes, puis là. Ben oui, hein. Plein d'affaires. Tu ne cours plus et ton souffle a repris sa cadence. Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Par le bout de tes doigts, la lumière que je connaissais de toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. J'ai fait ça pour toi. Fais ça pour toi. Fou d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. First quarter. Facilement une de mes pièces préférées de l'année, c'était 1983 par Statue Park, position numéro 21 de l'année 2014. Ça a été numéro 2, ça ne s'est jamais rendu plus haut pendant la semaine du 3 mars 2014. Et de son homologue francophone, 21e place, c'était Fanny Bloom. La chanson Samy Samy s'est montée jusqu'à la première place, Mathieu, du 6 au 12 octobre. C'est l'album Pan. Hey, à Samy, son 36 pour aller jusque-là, hein, oui. Pour le gala de cet effort en 2014. Ben, c'est important. Maintenant, présentons les prix des 20e places. Oui. Sont nominés du côté anglophone de Pack 80 avec Big Shot, qui s'est rendu jusqu'à la position numéro 2 la semaine du 3 février. Et puis moi, je suis dans une lancée de numéro 1, Mathieu. Donc, c'est Mange, l'ours mange, Nuit blanche. C'est monté jusqu'à la première place du 9 au 22 juin. Et le gagnant est... Les deux! Fait qu'on va faire jouer les deux parce qu'on est fin de main. Oui, puis là, on peut les applaudir pour les accueillir. Merci de me faire applaudir pendant que je suis en train de placer un CD. Aucun problème. Ah, mais j'étais capable de ça. Ça sonnait mieux à deux, je trouvais. Oui. Donc, Nuit blanche de Mange d'ours mange, c'est ce que j'écoute tout de suite dans C'était fou en 2014. Trop de syllabes dans 2014, je trouve. J'ai hâte de passer à 2015, c'est juste 15. C'est sec. 2015. C'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour le physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même, surtout pendant l'été. On a toujours des fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettaient. C'est comme les marécages, lentement tu vas avancer. Amusant et les gens ils veulent rester. Ils n'aiment pas le potage, ils n'aiment pas.

there's no human attempt till you've gone right. C'était le pack AD et Big Shot pour son numéro 20 de l'année 2014 en anglophone. Ça s'est rendu jusqu'au numéro 2 la semaine du 3 février sur l'album Do Not Engage. Et du côté francophone, Mange l'ours mange, c'était la pièce Nuit Blanche. C'est l'album Loin de l'œil. C'était numéro 1, Mathieu, du 9 au 22 juin. Et c'est resté 8 semaines avec nous dans le palmarès en 2014. Mais il n'est pas rassasié, ce petit ours qui mange là, parce qu'on va le retrouver tantôt aussi en 14e place. En train de manger. Ah, je pensais que tu faisais un lien vers la prochaine qui était Rouge pompier, vers de terre. Fait que je pensais que l'ours voulait manger des vers de terre. Mais peut-être. Est-ce que ça mange des vers de terre? Je ne connais pas le royaume animal assez pour le savoir. Là. Non, mais écoute, je peux transitionner très subtilement en disant qu'à la 19e position francophone, Mathieu, ça sera Rouge pompier. Avec la chanson Vers de terre, c'est monté à la première position du 15 au 21 septembre. C'est tiré de l'album Kevin Bacon. Et juste après, en anglophone, ce sera Orange O'Clock et Belly Button qui descendent. En fait, qui descend pas de la 8e. Ça, c'est le format habituel. Non, ça a été là pendant 8 semaines. Et ça s'est rendu jusqu'à la première place la semaine du 6 au 12 octobre. Octobre 2014. Oh là là là. Hey, hein? On pensait que c'est spécial, c'est une émission spéciale, tout le monde était bien en veston cravate. Ben oui, c'est ça, puis on voit, il y a du petit pétillant, là. Oui, c'est plus ça genre, peut être n'importe quoi, du petit pétillant. C'est plus ça, ça arrête pas de faire des pets, genre. Ouais. C'est pétillant dans ton pantalon! Oui, ou j'ai pris une petite pastille puis j'ai mis ça dans mon verre d'eau. Ça se fait-tu encore, ça? Des petits Alka-Seltzer? Oui! Mais si t'es avales directement comme c'est une pastille, mettons, t'as assusé ton Alka-Seltzer, est-ce que c'est tout l'estomac complet qui va comme gargouiller bleu? Ouais, moi je pense que c'est pas très bon. Et là, ça fait un pétillant dans le pantalon. Voilà! Rouge pompier, verre de terre! Un nid de poule, j'suis comme un ver de terre. Thank you. stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. She's exhausted and weak. Du Clock et Belly Button. Ça a duré 8 semaines et ça s'est rendu jusqu'au numéro 1 la semaine du 6 octobre. L'album s'appelle Crazy Carnival. Et côté francophone, Rouge Pompier, Vert de Terre, c'est resté également. T'as-tu dit 8 semaines? Non, mais au moins, c'est resté 8 semaines. Ben, c'est voilà. L'album Kevin Bacon. Puis c'est monté jusqu'à la première position, Mathieu. Ben oui, on est encore dans le coin où tout a duré 8 semaines. On va éventuellement monter dans les 9 semaines, les 10 semaines. Je peux vous avouer dès à présent, si vous me forcez à le faire, du côté francophone, ça a duré 10 semaines le numéro 1, alors qu'en anglophone, ça a duré 12. Ok. C'est pas pire, ces 12 semaines. Ben c'est bien. Ben oui. Donc allons-y avec les positions numéro 18 maintenant. C'est là qu'on est rendu. Du côté anglophone, c'est notre ami Debbie Tebbs. Mm-hmm. Et la pièce de son album Up qui s'est rendu au numéro 1 la semaine du 15 septembre. Et puis du côté francophone, on va écouter Propofol. Hein, on a sauté en 23e position, mais elle revenait en 18e. Donc on va aller écouter Commando cette fois-ci, puisque la dernière fois on l'a pas écouté. Donc on va aller écouter Commando. C'est tiré de l'album Banquet et c'est monté jusqu'à la première position du 22 au 28 septembre 2014. Incroyable! Oui, Mathieu. Hey, c'était fou. En 2014. Hein? Wow. Qu'est-ce que nous réserve 2015? Hey, je m'entends. Hey, mieux d'être meilleur. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Thèmes, qu'on vient d'entendre avec Hop, position numéro 18, ça a duré 8 semaines et ça a été numéro 1 la semaine du 15 septembre 2014. Son homologue francophone, c'était Propofol avec Commando. Propofol qui était également à la 23e position avec la chanson La Rivière. Mais Commando a été numéro 1 du 22 au 28 septembre. Et on n'en comprend toujours aucun mot. Propofol, non. De cette chanson-là. Non, mais Commando, la chanson, on comprend rien. C'est drôle, j'étais sur Google. Oui, Mathieu, on a une anecdote. Oui, mais merci de l'annoncer à l'avance. Nous avons une anecdote. Attention, nous interrompons la programmation pour une anecdote spéciale. Donc, je cherchais Commando, Propofol, parole sur Google parce que je comprends que dalle de ce que la fille dit. Oui. Il n'y a pas ça, apparemment, sur Internet. Sauf que, un des résultats, c'est la mort de Michael Jackson. Puis là, on s'est dit, pourquoi Michael Jackson vient hanter Propofol? Pourquoi une nouvelle de 2009 sur mon Google? C'est ça. Propofol, là, c'est le médicament qui a tué Michael Jackson. Et voilà. Sachez-le. Breaking news d'il y a 6 ans. Oui, pis ça a l'air que le médecin, il était commando. Tout nu dans l'armée. À vous de voir. L'histoire, j'essaie de faire des liens là, avec... T'es hot. Ouais. Vraiment. C'est nice et chill. Et borderline stupid. Ah! Position numéro 17 du côté anglophone. Plus tard, on entendra Pink Mountain Top. C'est Ambulance City qui a duré 8 semaines et s'est rendu au numéro 1 la semaine du 26 juin 2014. Et bien, on va commencer tout de suite avec le francophone Monogrenade. C'est la chanson Metropolis qui a été avec nous 8 semaines. C'est monté jusqu'à la première position le 26 février jusqu'au 2 mars. Hey, c'était fou en 2014, toi. Ah. Hey, hein? Mais, hein? Oui. Et plus encore. Oui. Sourire procrémé. La 17e place anglophone pour l'année au grand complet, c'était Pink Mountain Top, c'est Ambulance City qui a duré donc 8 semaines, qui était numéro 1 la semaine du 26 juin 2014. Et côté francophone, c'était Monogrenade avec la pièce Métropolis. C'est tiré de l'album Composite, c'est resté 8 semaines avec nous dans les palmarès et c'est monté jusqu'à la première place le 26 février jusqu'au 2 mars. La pièce Épicerie Force de l'Ordre. Oui. Métropolis. Épicerie. Oui, Force de l'Ordre. C'est ça. Eh bonne, Mathieu! Hey, merci! J'ai juste été très long à la comprendre. Mais non, c'est des fois, c'est un petit peu trop intelligent. Ah, voilà. Ça, je te dis. C'est des fois, j'ai de la misère à me baiser à ton niveau. Qu'est-ce que je te dis? Ça, Stéréo fusil. Mono grenade. C'est comme juste d'autres façons de. D'autres, pas le contraire nécessairement, mais parce que mono, c'est vraiment. C'est ça. Ouais, c'est ça, mono. Okay. C'est drôle. Ouais, j'essaye moi aussi des fois de faire des choses. Tu sais, on teste des affaires, t'sais, ça colle pas, ça colle pas. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. On est rendu au position numéro 16 du côté anglophone, c'est Tokyo Police Club et Miserable qui a atteint numéro 1 la semaine du 28 avril. Et côté francophone, c'est le doux David Marais. On va entendre la chanson. Il est deux fois dans le palmarès 2014. On va entendre pour l'instant 16e place à l'abri de la tempête. C'est resté avec nous 8 semaines et c'est monté jusqu'à la première place du 17 au 23 février. C'est tiré de l'album Le choix de l'embarras. Merci, capitaine. No problemo, commando. Ah. Dans Marine, c'est matelot. Ouais. Matt. Mathieu Matelot. Ah, wow. Oh, ouais. Intelligent. Qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, bien en lignée devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que ronde à journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. Tempo. Sun in my eyes. Walker Police Club et Miserable en 16e place. Ça s'est rendu jusqu'au numéro 1 pour la semaine du 28 avril et ça a duré 8 semaines. Et qui a duré 8 semaines et qui est monté jusqu'au numéro 1 également, David Marin avec À l'abri du temps. C'est sorti de l'album Le choix de l'embarras et c'était la semaine du 17 au 23 février. Exactement. Tu vois qu'on a beaucoup de choses qui ont duré 8 semaines. C'est pas mal. Le barème, c'est presque même le minimum requis pour être dans le palmarès de l'année, c'est d'avoir duré au moins 8 semaines. Minimum requis pour le palmarès 2014. What? Quoi? Non! Ah non, c'est terrible, hein? Non! Je pense que c'est ma pire prestation jamais faite. C'est même quand j'avais 4 ans, c'était mieux que ça. T'aurais pas présenté ça au petit spectacle que les enfants font devant leurs parents, là? Non, c'est même ça. Les parents n'auraient pas applaudi ça. Ben oui, c'est ça. Ils se seraient peut-être crevé les yeux. Oui, pour t'avoir entendu. Oui, oui c'est ça. Mais des fois, tes parents sont un peu caves, hein, faut dire. Ils se crèvent les yeux quand ils entendent quelque chose. Quand ils entendent quelque chose. Non, mais c'est que la réaction est tellement forte. Ouais. La surprise est tellement grande qu'ils ont perdu leurs moyens. Ouais. On comprend ça. Ça arrive. Ouais. Moi, je dirais qu'on devrait peut-être aller entendre les prochaines positions. Oui, tant qu'à faire. On est dans le top 15 maintenant. Du côté anglophone, la 15e, c'est Cowpuncher et Bridesmaid. Et côté francophone, on va écouter Clopelgag avec la chanson Rayon X. Oh, c'est le bel Clopelgag. Il a tellement de succès. Oui. Elle n'a plus vraiment besoin de nous autres, mais dans le palmarès de l'année quand même. T'sais. Ben, tu sais, vous commencez à quelque part. Ça, et en vente pour gros rabais dans un entrepôt. Ton sabre laser sous mon rayon X fait briller mes cristaux et dans ta chambre noire. 2004. J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix d'abeille sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. C'est lui qui te fait mal quand il te crache son eau bénite avec son sabre laser rayon X. Thank you. à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Fou de trouvailles. C'est fou, 89.1. 15. Et Bridesmaid en 15e place du côté anglophone sur l'album Ghost Notes. Ça a été numéro 1 la semaine du 27 janvier au 2 février. Et son homologue francophone Clo Pelgag, Rayon X, est resté avec nous au palmarès 8 semaines. C'est monté jusqu'à la position numéro 1 du 3 au 9 février. C'est tiré de l'album Alchimie des monstres, Mathieu. Et elle est toujours aussi déprimante. Ah, mais je l'aime bien. Cette chanson sur la leucémie. Je l'aime bien. Quand même, pas super. Maintenant, on va aller avec un petit bloc de 4 pièces. Oh! Oh, hein, on est fancy pas mal. Du côté anglophone, la 14e, c'est Mark Brouet avec Confession to a Streetlight, qui était numéro 1 la semaine du 20 janvier. Et puis, côté francophone, on va entendre David Marais, mais on commence tout de suite avec Mange l'ours mange. C'est la chanson Bloody Days. Et puis, c'est ça. Ça, c'est un hit, ça. Ça, c'est un hit. Ça a été un hit du 24 au 30. Mais ça. Mars. Pas d'allure, hein? Oui, parce que 24 au 30, ça peut être n'importe quand. Du 24 au 30? Oui, ça peut être aussi même quand il faisait de 24 à 30 degrés. Ah! Qui sait? Qui sait? On ne le sait pas. On l'annoncera tantôt. On va trouver la solution à ça. Puis non, mais je l'ai dit, c'était le mois de mars. Ah, tu l'as dit finalement? Oui, je l'avais dit. Maudit. Il manque d'attention ici. Un petit peu, hein? Ben oui. Il manque de l'attention. De l'attention. Reste un petit peu de tension. Ah oui. Quoi? Comment oses-tu me parler ainsi? Bloody Days. C'était fort 2014. Empilé, refaire la

avec Cat Empire et Wild Animals a duré 8 semaines. C'est rendu jusqu'en première place la semaine du 6 janvier 2014 sur l'album Steal the Light. Avant ça, en 13e franco, c'était David Marais. Le Vent Vire qui a atteint le numéro 1 et a fait pendant deux semaines de suite. C'était les semaines... pas de suite tant que ça, bizarre pareil. C'était là au numéro 1 en novembre 2013 et du 6 au 12 janvier 2014. Bien sûr, il y a des pièces qui étaient là au début de 2014 qui dataient de la fin de 2013. Donc c'est pour ça qu'on retourne quand même un assez long moment derrière nous. Avançons, position numéro 14 en anglophone, c'était Mark Berube avec Confession to a Streetlight qui était numéro 1 la semaine du 20 janvier et au tout début du bloc, Mange l'ours mange, l'album Loin de l'œil, la pièce Brody Days et la position numéro 1 la semaine du 24 mars 2014. On est juste à temps, si Jean-Philippe Charbonneau le veut bien, pour nous présenter les positions numéro 12 ensemble. Donc tout à l'heure, en anglophone, ce sera The New Pornographers et Brill Bruisers qui atteignent numéro 1 la semaine du 20 octobre. Mais on va commencer tout de suite avec Jacques Mort et Père Hippie, qui est resté avec nous 8 semaines. C'est arrivé numéro 1 pendant 3 semaines, Mathieu, du 28 au 25 mai. 28 avril au 25 mai. C'est trop pour moi, ça. C'est beaucoup. Trop pour moi. Père Hippie, là. Oui. Ça, c'est quand tu sacs deux brochettes, un de chaque bord, puis tu le manges. C'est pas répit. C'est pas répit. Ouais. C'était fou en 2014. Hein? Oh oui. Rire forcé. Notre animateur de foule n'a pas bien fait sa job. Non, hein. Mais la nuit d'exploration. Sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89.1. C'est fou. Pornographers et Brill Bruisers, position numéro 12 du palmarès de l'année 2014 en anglophone. C'était numéro 1, ça, la semaine du 20 octobre 2014, bien sûr. Et côté francophone, numéro 12, c'était Jacques Mort avec Père Hippie. C'est resté avec nous 8 semaines et ça a été numéro 1, Mathieu, pendant 3 semaines, du 28 avril au 25 mai. C'est tiré de l'album La Montagne de Feu. Ouais, et puis ça, que ça change, Hippie. Et puis ça, ouais. New Pornographers. J'en vive cette bataille, là. New Pornographers qui a été numéro 1 donc en octobre et qui est encore dans la pub des premières sur les belles changements de monnaie. Bon, ça c'est ma faute. Ben, c'est ma faute. Ah. Et puis, hein? Mais je pense qu'en fait, il n'y a plus aucun extrait qui est encore dans la première sur il faut voir l'affaire, très bien là. Ouf, hein, des reaction shots aujourd'hui, t'es le maître de ça. Hein, c'est sur mon onomatopée en ligne. À tes souhaits, j'espère que je t'aide. Numéro 11 maintenant, JP, on va beaucoup trop loin. Là. Il reste encore le tiers de l'émission pour les rendre au numéro 11. Ça n'arrête pas, il va falloir qu'on fasse d'autres choses, je pense. Mais en fait, on a pensé à un concept. Okay. On s'est dit qu'on pouvait aller de la 25e position à la première pour notre, nos trois premières heures. Oui. Et puis, pour la deuxième partie, on va partir de numéro 1 jusqu'au 25. Puis on va se rejoindre à Berthierville. Et voilà. Au McDo. Puis on ira manger une poutine. C'est ça. Donc, numéro 11 anglophone, c'est Joe Ben et Soweto sur l'album The New Religion Project. Ça a été numéro 1 ça, la semaine du 23 novembre au 1er décembre 2013. Côté franco, c'est Morticus avec Le Roi Soleil. C'est resté avec nous 9 semaines. Mathieu s'est monté jusqu'à la 3e position maximum du 10 au 16 mars. Et c'est tiré de l'album Cri Primal. Ah! C'était pour l'oubli 14! J'ai crié fort, je pense. Ouais. Soweto, so what? C'était Joe Benet Soweto sur l'album The New Religion Project. Ça a été numéro 1 la semaine du 23 novembre au 1er décembre et ça a duré 8 semaines en tout. Et oui, c'était numéro 11, hein? Ben trop vrai, ça. Ben oui, on a numéro oublié 11. De le dire. J'ai pas dit, excuse-moi. Non, ben je le rappelle, hein, ah puisque oui. En francophone, numéro 11, Mordicus avec le Roi Soleil. Ça a été avec nous dans le palmarès 9 semaines et c'est monté jusqu'au numéro 3. Du 10 au 16 mars. Et voilà. Oui. J'ai comme louché parce que Mordicus, disons-le, et également numéro 10. Et puis là, là je voyais deux chiffres différents. Puis là... Fait que chacun son erreur, JP. Oui, mais c'est parce que c'est du 10 au 16 mars okay. pour le Roi Soleil, ouais. mais c'est du 10 au 16 novembre Arrête. Pour Miroir Miroir. Hey. On aurait voulu faire ça, puis ça aurait pas été possible. C'est des chiffres à miroir, comme on dit. Mais non, mais moi, je pense que j'étais trop préoccupé tantôt. C'est la raison. C'est parce que j'étais tout excité parce que c'est ailleurs dans les palmarès. Je pensais qu'on s'en sortirait. Non. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Stop 2014! Palmarès! C'est ailleurs dans les palmarès édition, c'était fou en 2014, comme on le fait dans les palmarès, c'est fou, on explore un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, mais dans ce cas-ci c'est spécial parce que c'était fou en 2014, ce n'est pas seulement qu'un top 25 francophone, un top 25 anglophone, c'est aussi un top 20 loud mais sans position. Exactement. D'album. Et également un top 10 du monde. Mais de pièces. De pièces. Fait que tu sais, tout est pas pareil. Ouais. On est de même, disons. On aime ça comme ça. On aime ça de même. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le top 20 loud. Évidemment, ben en fait, je pense qu'étant donné qu'on n'a pas de position, on va pas mal toutes les faire, OK? Oh, OK. Hein? On y va-tu à tour de rôle? Ah, mon Dieu. Non, j'avais pas pensé à ce facteur-là. Il fallait qu'on les nomme aussi. T'sais. C'est tout que les filles, mais allons-y. Allons-y. Donc, je vais commencer avec... Et là, c'est artiste à gauche, album au milieu. Oui, bon? Tout à fait. Oui, oui. Après ça, c'est l'étiquette, puis bon. Donc, et le nombre de semaines. Donc, commençons avec l'artiste Throne of Vengeance avec l'album Live Evil, qui était numéro 4 seulement pendant une semaine. C'est du 21 avril, 8 semaines de présence. Oui, on a la... Ben, pendant 8 semaines, on a eu Hellraiser, Operation Overload. Oh, oui, c'est ça. Et c'est, ça a été numéro 4 pendant 4 semaines, Mathieu. Ouais. Ensuite, Revocation et Deathless, qui étaient là pendant 8 semaines, dont le numéro 2 pendant 6 semaines. Alors, on a eu également Mayan avec Antagonist, pardon, et ça a été pendant 8 semaines, et le numéro 1 pendant 2 semaines. Ensuite, Blues Pills et l'album Blues Pills a été numéro 1 pendant une semaine, c'est du 29 septembre au 5 octobre. On a eu également l'artiste Mont Salen, et puis l'album Headless, ça a été numéro 7 pendant 2 semaines, Mathieu. Puis Benighted avec Carnivore Sublime, qui a duré 9 semaines, dont le numéro 2 pendant 2 semaines. On a eu l'artiste Epica, avec l'album Retrospect, ça a été numéro 1 pendant 2 semaines, c'est resté avec nous 9 semaines. On continue avec Monty Pittman et l'album The Power of Three qui a été numéro 1 pendant 2 semaines en mars 2014. Toxic Holocaust avec son album Chemistry of Consciousness. Genre. Ouais, ça a été numéro 1 pendant 2 semaines. Ensuite, The Devin Townsend Project et The Retinal Circus qui a été numéro 1 pendant 3 semaines en janvier-février. Blood God avec Blood is my trademark. Ça a été dans le palmarès 11 semaines, Mathieu, mais ça a été numéro 1 pendant 7 semaines. Wow! On continue avec un autre album qui était là pendant 11 semaines, c'est celui de Biblical, avec Monsoon Season, qui était numéro 2 en avril et mai. Ensuite, on continue avec l'artiste Mastodon. Ouais. C'est comme ça que ça se prend? J'ai entendu des gens dire Mastodon, ouais. Ok, bon, okay. Donc c'est Mastodon. One More Run to the Sun. Donc ça a été numéro 2 pendant 2 semaines et avec nous pendant 12 semaines. Hell avec Christian Chapter a été là pendant 12 semaines, dont la position numéro 1 en janvier. Arch Enemy, pardon, avec l'album War Eternal. Ça a été avec nous 13 semaines et ça a été numéro 1 jamais. Jamais! Jamais! Mais ça a été avec nous quand même 13 semaines. Ace Frehley avec Space Invader, c'est le nom de l'album. C'était là pendant 14 semaines, dont le numéro 1 pendant 2 semaines en septembre. L'artiste Opet avec l'album Pale Communication, 14 semaines. Ça a été numéro 1 pendant 2 semaines. Behemoth avec l'album The Satanist, pardon, a été numéro 1 pendant 1 mois, soit en février et mars 2014. Et l'album qui a été avec nous le plus longtemps, Mathieu, 20 semaines pour Epica. L'artiste Epica et l'album de Quantum Enigma, ça a été numéro 1 pendant 6 semaines. Mais en ça! Oui! Mathieu? Quoi? Je pense qu'on en a 2 qu'on voudrait écouter. Oui, on a 2 à écouter. Exactement ce qu'on va faire. Est-ce que c'est ça qu'on fait tout de suite? On fait ça tout de suite parce qu'on va garder le top musique du monde pour une autre fois. Pas trop, trop donner d'informations en même temps. Ben là, tu sais. Ouais. Donc, il y a tellement d'informations qu'on vient de dire. Voulez-vous qu'on fasse une récapitulation? On recommence! On va entendre pour commencer une pièce de la formation Mount Salem. Leur album s'appelle Endless. Ils sont sur l'étiquette Metal Blaze. Ils ont duré 9 semaines. On l'a dit tantôt, mais ils ont été numéro 7 pendant 2 semaines. Moi, j'avais trouvé ça bon à l'époque. Je me rappelle de l'avoir fait jouer. Peut-être pas cette pièce-là en particulier, mais quand même. Donc, on va écouter, pour commencer, Lucid de Mount Salem. Et puis, tout de suite après, on va écouter Ace Frehley, avec l'album Space Invader. Et puis, la pièce Space Invader, c'est tiré de l'étiquette E1. Ça a été 14 semaines dans le palmarès et numéro 1 pendant 2 semaines. Les semaines du 15-21 septembre, ainsi que le 22 et 28 septembre, Mathieu! On écoute ça! C'était fou en 2014! Hey, ça, c'est un rock en mousier! Oh! C'est loud! Dans le sens que ce que tu dis, c'est loud. Dans le sens que je monte le volume trop fort, c'est loud. Ah! Ouais. Ace Frehley et Space Invader, c'est dans le palmarès Loud sur l'album. Space Invader, c'était numéro 1 pendant 2 semaines en septembre et ça a duré 14 semaines derrière le palmarès. Il n'y avait pas de passé dans le studio. Est-ce que tu veux me foutre au balade? Ben oui, mais j'arrivais des toilettes, puis quelqu'un regardait dans le studio. Ben ouais. Puis je suis revenu des toilettes en disant crime pof que ça sent bon. Ton pipi? Non, Mathieu, dehors, ça sent les ailes de poulet. Ah, ça, donne le goût de. D'en grignoter. Un pipi? Non, des hommes de poulet. Voilà, sketch terminé. Sketch terminé. Fin de la scène. Ça sent si bon. Oh wow, JP. Donc, tant qu'à avoir entendu une pièce qui a duré 14 semaines dans le palmarès Loud, ben, on s'est dit pourquoi pas. Why not? You know? Why not? Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas aller plus loin? Oui. Comme un pipi. Donc, on va entendre les autres pièces qui ont duré 14 semaines. On va finir plus tard parce qu'on vous rappelle que le top 20 Loud n'a pas de position attribuée. Non, mais seulement... on va y aller par le nombre de semaines, tout simplement. La logique des choses, c'est donc plus tard, il y aura une pièce qui a duré 20 semaines par EPK. Mais en fait, oui. L'album aura duré 20 semaines. Il y aura aussi quelque chose qui a duré 15 semaines. Mais pour débuter, c'est quelque chose qui a duré 14 semaines, JP. Oui, on va commencer avec l'artiste Opeth et puis l'album Pell Communication avec le titre de la chanson, Mathieu. Ce sera Cusp of Eternity. Sachez que l'album est resté 14 semaines au palmarès et a été numéro 1 pendant 2 semaines, les semaines du 25 août et 8 septembre. Ben, félicitations, ben oui. Tu sais? Ouais, ça vaut des applaudissements. Comme un pipi. 89.1. C'était tout sauf silencieux des Essence of Silence par EPK. C'est pas vraiment le numéro 1 parce qu'il n'y a pas de numéro dans le palmarès Loud cette année, mais c'est plutôt une pièce qui a duré 20 semaines et qui était numéro 1 pendant 6 semaines, soit au mois de mai, juin, juillet et août. Donc, je dirais, somme toute, l'été 2014. Oui, quand même. Juste avant, on a entendu l'artiste Behemoth de Sataniste. C'est resté 15 semaines sur nos palmarès. Ça a été numéro 1 pendant un mois. Puis c'est de la compagnie Metal Blade, en effet. J'ai oublié de dire le nom de l'album de EPK. C'est l'album qui est dans le Top Loud, donc faut le dire, c'est The Quantum Enigma. Est-ce que je l'avais dit? Peut-être que je l'avais dit. Peut-être. Peut-être. Ensuite, au début du bloc, on a entendu Opeth avec l'album Pale Communion. C'était la pièce titre, je crois bien. Attends un petit peu, je vais juste... faire une manœuvre ici. C'était la pièce The Satanist sur l'album. Non, ça c'est BMA, attends. Hey, je suis mêlé, attends un peu. Je la trouve pas l'album, la pièce. Qu'est-ce qu'on a joué tantôt? Voyons, Opeth, Cusp of Eternity, c'était le nom de la pièce. Voilà. Cusp of Eternity, merci Google Chrome. Ah oui, qui est resté cet album 14 semaines, hein, Mathieu? C'est vrai, et qui a été numéro 1 pendant 2 semaines, au mois d'août et de septembre. Voilà, excellent travail d'équipe du pays, comme toujours. Hey. Maintenant, on va continuer tant qu'à être dans le... Ailleurs dans les palmarès, oui, d'où la chanson derrière nous. On va y aller avec le top 10 musique du monde 2014, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est grâce à David Ferron sur l'émission Palmarès du monde. Allons-y encore une fois, dos à dos, un après l'autre, en commençant par la 10e place qui est occupée par l'artiste Da Cruz. Mm-hmm. Et la pièce, parce que c'est pas des albums mais des pièces, Nasser Livre sur l'album Disco y Progresso. Excellent, Mathieu. Et en 9e place, c'est Anachronic Electro Orchestra, c'est Lady Madriadis feat. Frederica. C'est dans l'album Noise in Cipher. En 8e place, ça a duré 8 semaines, ça s'est rendu jusqu'au numéro 2. C'est l'artiste Susanna et la pièce Fanny sur l'album Banat Vagabond Songs. Le préféré de Mathieu. En numéro 7, c'est l'artiste Montréal Guitar Trio avec le titre de l'album Monsieur Piment. C'est resté avec nous dans l'album, dans le palmarès du monde 8 semaines et c'est disponible sur l'album Der Prince. En 6e place, ça a duré 8 semaines aussi. C'est la pièce Révolution par Simrit sur l'album du même nom, Simrit. Et 5e position, 8 semaines également pour Tikin Jafakoli, Le Prix du Paradis. C'est le titre de son album. C'est le titre, et dans l'album Dernier Appel. En 4e place, c'est l'extrait Shake It All Out par Congo Punk avec un Q majuscule à la fin sur l'album No Guns More Drums. Mm-hmm. Et en 3e position, qui est resté également avec nous 9 semaines, Quantic Soul Clap, c'est de l'album Magnetica. En 2e place, Nomad Slang par Ibrahim Malouf sur l'album Illusion qui a atteint le numéro 1. Qui a également trouvé le numéro 1. Hein, et qui est numéro 1, Mathieu? C'est The Talking Fish avec... Ibibio Sound Machine, c'est dans l'album du même nom, Ibibio Sound Machine. Exactement, donc voilà pour le top 10 Loud, on va entendre quelques extraits. On jouera pas les pièces dans l'ordre parce que David Ferron va si bien le faire à l'émission Palmarès du Monde. On vous invite à l'écouter. Bien sûr, c'est les lundis à 18h, les mercredis à 17h et les samedis à quelque part en après-midi. Donc on va commencer avec une pièce de l'artiste Congo Punk, c'est Shake It All Out qu'on s'en va entendre, c'est la position numéro 4 et on vous propose ça à l'instant dans Ailleurs, dans les palmarès. Congo Punk, bitch. Hey, c'est vrai, bonne cette chanson-là. Ouais, très bonne. Put your sound on me. Let it out, won't you come to me? Sound on me. Let me eat that beat. Every day, get up, go on, funk my day. Yeah, we're banging on the drums and every. Tous les Africains nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Rien ne tombera du ciel. Si nous voulons avancer, il va falloir se battre. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne laisse aimer. Aucun espoir pour nos révoltes si personne ne veut les mener. Dès à présent, dès à présent, tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. C'est énorme. Peux-tu manger des ailes de poulet? Non. C'était Tekken Jafakoli, la pièce Le Prix du Paradis sur l'album Dernier Appel. Ça a été donc 8 semaines de présence sur le palmarès et ça a atteint numéro 1. Bien sûr, comme tout dans le palmarès, sauf presque une. Presque. Le rejet. Oui. Qu'on appelle Susanna. Et tout juste avant, Mathieu, rappelle-moi, on parle bien du numéro 4, hein, je pense. Donc c'était Shake It All Out, oui, de Congo Punk avec un Q majuscule à la fin. Exactement, JP, tu as si bien dit ça que Caroline, c'est presque trop exact, je dirais. Ben, des fois. Ben, ça arrive. Hein. Donc voilà, c'est pas mal ça pour l'instant. Je pense qu'on devrait reculer un petit peu, entendre, en fait, notre... Oui, parce que ce n'est qu'une première partie, hein, de ce palmarès. On s'est rendu jusqu'à... En fait, on va commencer avec les 10 prochaines, hein, les... Hein, Mathieu? Exactement. Dans la prochaine édition. T'as tout à fait raison. Dans la prochaine édition, on va continuer avec le top 10. Ça va être vraiment exactement. C'était si bien dit, hein? Si facile, mais moi, j'ai tellement rushé. Ben non, mais tu sais, quand même, c'était pas si pire que ça, t'sais. Oui. Est-ce qu'on avait dit qu'on se quittait avec... qu'est-ce qu'on avait dit qu'on se quittait? Avec Popofol, Mathieu. Je peux même te dire le nom de la chanson, puisqu'on a passé par-dessus le numéro 18. C'était Popofol. Non, excuse-moi. Numéro 23. C'était Propofol avec La Rivière, mais on avait entendu Commando qui était en 18e place. Donc, on vous propose d'aller écouter Propofol, La Rivière, qui était numéro 23. C'est resté avec nous 8 semaines et c'est allé jusqu'au numéro 1 dans la semaine du 27 octobre au 2 novembre. On est comme ça. C'était fou en 2014. Première partie. Ouh! Vous trouvez que 3 heures c'est pas assez? Ah ben, soyez là pour la deuxième partie, le top 10 de cet effort 2014! Incroyable! Parmi les choses que vous allez entendre. Bonjour, bienvenue! Hey, bienvenue, c'est la deuxième partie des Palmarès, c'est fou, c'est présent, c'est l'effort 2014! Hey, JP, on va se rendre jusqu'au numéro 1 de l'année au complet 2014, ça va être incroyable! Oui, c'est incroyable, on va passer à travers tout le top 10! Hey, ça se peut pas, hein? Hey JP, t'as un gag à nous conter, JP! Oui, tout à fait. C'est quoi ton gag? Oui, attends un petit peu, il faut que je reprenne mon souffle. Ouais. Ah, c'est toute qu'une première c'est toute qu'une première apparition, hein? Okay. Okay. En tout cas, on va se partager deux pièces, Mathieu, si tu le veux bien, okay. En quatrième et cinquième position. C'est deux personnes qui se partagent deux affaires différentes. On a David et les bois et Pépé et sa guitare. Là, je sais plus où je suis rendu dans le palmarès. JP, on aurait pas dû boire autant de courant des bois, je pense. Hein, oui, c'est ce qui arrive. C'est ça au bureau. J'ai dit à perdre ça au bureau. Là. Le bureau. Hey, tu parles de l'affaire bureau. C'était pas le bureau. J'allais la faire. En tout cas, on a eu du fun aux parties de bureau. Mais hein? C'est à ne pas manquer la deuxième partie de cet effort 2014. Soyez-y seulement assez fou. Bon. Ah, attends, mais ça promet être une belle émission la semaine prochaine aussi. Pas pire shot de deal des Lions in the hood in the ghetto. Je me souvenais plus que j'avais fait le gag de David et les bois et Pépé Sector. De quoi tu parles? Ça, c'est dans le prochain épisode que tu fais ça, c'est pas. Non, mais c'est ça, je me souvenais plus que j'avais dit ça dans le prochain épisode. Okay, que j'aimerais dire ça. Que tu vas dire ça dans le prochain épisode. Oui, j'essaie de m'en rappeler la semaine prochaine. Okay, ouais. Donc, soyez-y. C'est bien sûr sur les ondes de C'est Fou que vous allez retrouver cette deuxième partie de C'était Fou en 2014. Plein d'aussi bons gags qui vont. C'est être parsemé de cette bonne musique. Et des meilleurs. Oui. Aussi gay. Oui, peut-être. Probablement. Donc, c'est fou.ca. C'est bien débrouillé. Pour la programmation complète, c'est fou.ca. Sinon, assemblagerequis.com pour les oui. émissions, les balados diffusion. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir, en effet. Jean-Philippe Charbonneau, merci d'avoir été là. Vous pouvez retrouver la rétrospective 2014 sur le site internet. On l'a dit, c'est fou.ca. Allez voir palmarès. http://www.cfou.ca. http://. Tu l'as-tu dit? Barbé. Oui. www.cfou.ca. Puis, si vous voulez, vous pouvez rajouter un S à HTTPS. Pour être full secure. Je pense que ça marchera pas sur notre site, mais essayez-vous. Essayez-vous. Voilà, merci, JP. Ça fait un plaisir. On se voit la semaine prochaine. Ah, bye-bye! On aurait pu finir avec une recommandation du genre « Hey, soyez prudents sur les routes. » Puis typez votre serveuse. Oui. Et vos animateurs préférés aussi. Pas de crime. Est-ce qu'on se met une petite string? Puis... Non, une tirelire. OK. Ben, donc, j'enlève le string que j'ai présentement. Pour une tirelire. C'est bon.